Bonsoir. Dans Autant n'importe l'histoire, aujourd'hui, Mary Read, pirate des Caraïbes. Oui, c'est une histoire de pirate que je vais raconter ce soir, avec tous les ingrédients d'une vraie histoire de pirate. Combat à l'épée, abordage, jambes de bois, beuverie, rapine, course-poursuite dans les mers turquoises des Caraïbes, et même ce que redoutent le plus les pirates, la potence. L'histoire se passe au tout début du XVIIIe siècle, une époque où la vie humaine ne vaut pas cher, où celui qui n'a rien ne peut compter que sur ses bras pour survivre, trimer, crever de faim, obéir. Alors, pourquoi ne pas prendre le large et devenir pirate ? C'est illégal, bien sûr, l'espérance de vie est courte, mais au moins on est en bande, on a de quoi manger et boire, on partage le butin et on peut dire ce qu'on pense du chef. Parmi les hommes qui ont choisi cette vie de violence et d'aventure, il y eut aussi des femmes, clandestines et non moins pirates. Combien ? On ne sait pas trop. Une de celles dont le nom a traversé les siècles s'appelait Mary Read. C'est son histoire, flamboyante et éphémère, que nous allons raconter. Autant en emporte l'histoire, avec Stéphanie Duncan. Marie-Ève Stenuy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne de l'art, romancière, archéologue, auteure de nombreux livres sur des thèmes liés à la mer, notamment « Femmes pirates, les écumeuses des mers ». Alors avant de commencer l'histoire de Mary Read, cette pirate qui vécut à la fin du XVIIe, début XVIIIe siècle, pourriez-vous tout simplement nous préciser ce que c'est qu'un pirate ? Ou une pirate. Un pirate, c'est l'équivalent d'un bandit de grand chemin, mais qui exerce ses activités sur mer. La piraterie existe à peu près depuis que la navigation existe, tout comme les voleurs sur terre existent depuis que le commerce existe. C'est exactement le même principe. Et en cela, il faut les différencier des corsaires, qui eux exercent exactement le même métier. Mais ils le font d'une façon légitime, c'est-à-dire mandatés par leur État ou leur gouvernement, en période de guerre, et ne s'attaquent qu'à des prises étrangères. C'est du vol légitime. Voilà, bien organisé, tandis que les pirates s'attaquent absolument à n'importe qui. Et les flibustiers aussi, parce qu'on entend ce mot aussi, est-ce qu'on peut faire la distinction ? Oui, les flibustiers, ce sont les gens qui sont installés dans les Caraïbes, qui sont essentiellement des pêcheurs, des chasseurs de tortues, c'est un peu la même chose que les boucaniers. Alors l'histoire de ce soir se passe donc au tout début du XVIIIe siècle, dans les mers des Caraïbes. Pourquoi appelle-t-on cette époque l'âge d'or de la piraterie ? Mais parce que c'est le moment où, en tout cas dans les Caraïbes, la piraterie a été la plus importante. Au point que, pour s'en débarrasser, le roi Georges, Le roi d'Angleterre a décidé de proposer une amnistie, parce qu'il était absolument impossible d'arrêter les pirates autrement. À l'époque, l'Angleterre n'avait pas la marine qu'elle a développée un petit peu plus tard. Et donc, c'était une mesure assez intelligente. Il a décrété que tous les pirates qui se rendaient avant une certaine date, 1718, seraient amnistiés de tout leurs méfaits passés, à condition de se rendre et de déclarer officiellement qu'ils renonçaient à leurs activités afin de retourner dans le droit chemin. Et beaucoup de pirates, à l'époque, ont accepté ces conditions, se sont rendus, ont été amnistiés. Mais la méthode a ses limites, car ces gens se sont tous retrouvés à terre, un milieu mais qui ne leur était pas tellement familier, pour lesquels ils n'avaient pas énormément de compétences. Une vie moins drôle parfois. Oui, et bon, ils n'avaient pas des compétences d'agriculteurs, d'éleveurs. Beaucoup, en plus, n'avaient pas d'économie, parce que les pirates sont des gens qui dépensent tout, pas des gens qui économisent pour le futur. La vie est trop risquée dans ce domaine-là pour penser à sa retraite. Et donc une partie de ces pirates après ont été engagés comme corsaires. Donc des voleurs légaux ou légitimes. Oui, exactement. Et une autre partie, par exemple le pirate Rackham dont on va parler, sont retournés à leurs anciennes activités parce que ils vivaient une vie trop misérable à terre. Et comment peut-on expliquer que la piraterie se soit développée justement dans cette région des Caraïbes, entre la Floride et l'Amérique du Sud, en gros, dans cette partie-là? Qu'est-ce qui se passait là? Parce que les pirates, comme les voleurs, vont là où il y a l'argent, là où il y a des marchandises, et il y avait une activité économique très intense dans toutes les Caraïbes. Entre l'Angleterre et l'Amérique. Oui. Marie-Ève Stenhuy, je propose que nous poursuivions tout à l'heure cette discussion sur la piraterie, notamment sur Mary Read, Anne Bonny et Jack Rackham, nos héros de ce soir. Tout de suite, Mary Read, Pirates des Caraïbes, un texte de Sarah Farkas et Guillaume Cochard, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire sur France Inter. Réalisation, Cédric Ossire. Je sens leur courage s'envoler. Où est le capitaine? Allez les gars, prenez-vous! Je suis blessée. Je peux pas finir comme ça, tuée par de misérables pirates. À nous deux! Je suis un soldat du roi. Je vais montrer à cette vermine ce que c'est que la loyauté. Rosa! Galopard! Souffrons pour moi, Willy! Souffrons ta! Quoi? Le lâche. Il ne me reste plus qu'à me battre et à mourir. Comme un homme. Mais je refuse d'être l'esclave de ces monstres. Plutôt mourir. Où est mon sabre? Alignez-moi ces fils de pute. Cet homme avec la veste en calico. Seigneur, c'est Calico Jack. Rackham le Rouge. Sa tête est mise à prix partout des Bahamas à la Jamaïque. Ça ne pouvait pas être pire. Et lui, à côté avec les bracelets en or, ça doit être Bonny, son second. Qu'il est beau. Mais il paraît qu'il est encore plus cruel que son capitaine. Quoi qu'il arrive, ils ne doivent surtout pas savoir que je suis une femme. Eh, hey, voyons ce qu'on a là. Du vin rubis, eh. Hey. Fais-moi goûter. Est-ce que la couronne britannique leur donne à boire? Pas étonnant que ces soldats ne sachent pas se battre. Tous des mauviettes. Allez, je suis de bonne humeur, on recrute. Avancez un par un. Refusez et vous goûterez à mon sabre. Allez! C'est bien, dénué de courage et pas de bon sens. Hey. Et toi, tu bouges pas? Non, je reste ici. À chaque abordage, il y a un petit malin. Comment tu t'appelles? Willy. Willy Reed. Et alors, Willy? La piraterie, ça t'intéresse pas? Tu préfères te battre pour les riches plutôt que d'être libre? Tu sais que ton roi court la gueuse à Buckingham pendant que tu crèves en fond de canne. Je resterai fidèle à la couronne jusqu'à ma mort. Ça n'a pas de poil au menton, mais ça a des couilles. Dommage, Willy Reed. C'est toi qui l'as voulu. Adieu. Madame! Attends! Reed! Ça veut dire lire en anglais. C'est ton surnom? Parce que tu sais lire? Oui. Parfait. J'ai besoin d'aide pour déchiffrer les cartes et des listes de marchandises. Je l'ai dit, je refuse de devenir pirate. Saisissez-le! Non! Non! Bonny, tu es sûr de toi? Il préfère mourir pour son roi si c'est pour introduire un espion à bord. Il est loyal et courageux. Il fera un très bon pirate. Crois-moi, il nous sera utile. Juin 1719, au large de la Jamaïque. Mary Read a 28 ans lorsqu'elle se fait capturer par la célèbre bande à Rackham et embarquer sur leur navire le Revenge. Cela fait 10 ans qu'elle combat dans l'armée anglaise, travestie en homme. D'abord soldat dans l'infanterie, puis dans la cavalerie, elle s'est ensuite embarquée comme corsaire sous les ordres du roi d'Angleterre, George Ier. Mais le traité d'Utrecht, signé en 1713, a consacré la fin de la guerre de succession d'Espagne et les armées ont été démobilisées. Beaucoup de marins se recyclent alors dans la piraterie et les Caraïbes deviennent le paradis des boucaniers, flibustiers et autres pirates qui pillent les navires rentrant en Europe chargés des richesses des Amériques. Une existence flamboyante et hasardeuse où chacun risque à tout moment de terminer au bout d'une corde. Mary Read ne veut pas de cette vie-là. Elle profite de la première occasion pour s'enfuir. Ah, Willy, je te cherchais. J'ai besoin de toi pour mes comptes. Suis-moi dans ma cabine. Et tu faisais quoi à l'écart? Tu n'aimes pas le vin? Ce vin ne m'appartient pas. Je ne suis pas un voleur. Tu as mal? Nous avons un chirurgien à bord. Tu dois lui montrer ça. Non. Ah! Mais il faut penser cette blessure. Es-tu orgueilleux au point de perdre la vie aussi stupidement? D'accord. Mais je me soignerai moi-même. Tu es bien pudique, soldat Reed. Entendu. Suis-moi. Je dois me méfier de ce Bonnie. Il n'est pas comme les autres. Il ne boit pas. Il observe tout. Je n'ai jamais vu des yeux comme les siens. J'ai l'impression qu'il peut me déshabiller d'un regard. Gare à lui s'il porte la main sur moi. Avec le poignard que j'ai récupéré sur un des cadavres, je pourrais découper ce que ce Bonnie a de plus précieux. Comme tu vois, ce n'est pas grand-chose. Mais c'est chez moi. Pas grand-chose. Des coffres recouverts de taffetas, des boîtes en verre remplies de caramel, et ces tissus, des sous-vêtements féminins. Ce Bonnie doit avoir une putain dans chaque port des Bahamas. Eh bien, on dirait que tu n'as jamais vu autre chose que les cales. Tu as faim? Regarde ce que notre cuisinier m'a descendu. Une tourte! Et du fromage à l'origan. Amélie, ça ne va pas? C'est ta blessure? Mary Read, enivrée par les odeurs puissantes de cannelle et de miel, éblouie par l'éclat des soieries et affaiblie par sa blessure, s'effondre aux pieds de Bonnie. Lorsqu'elle se réveille, un bandage entoure sa poitrine et elle est allongée, nue jusqu'à la taille, dans le lit du pirate. Je le savais, tu sais, j'avais deviné. Qu'est-ce que vous allez me faire? Si vous me touchez, je vous étrangle de mes mains, vous entendez? J'ai beau être une femme, je suis plus forte que vous et plus agile. Willie Reed, ce n'est pas ton vrai nom. Comment t'appelles-tu? Mary Carlton. Pourquoi ne vas-tu pas chercher ton capitaine? Tu préfères me violer le premier? Tu es peu perspicace pour une femme, Mary Carlton. Regarde. Tu n'es pas la seule femme sur ce bateau. Mon nom est Anne Bonnie. Aux yeux de l'équipage, je suis le second Calico Jack. Mais dans son lit, je suis sa femme. Faisons un marché, tu veux? Je ne dis rien, et tu ne dis rien. Je continuerai à t'appeler Willy, et toi Bonnie, d'accord? D'accord. Remets-toi, tu fais la même tête que ceux à qui je montre ma poitrine avant de leur trancher la gorge. Mais ne t'inquiète pas. Toi, je t'aime bien. Mais pourquoi t'es-tu travestie en homme? Je pourrais te poser la même question. Moi? J'ai été obligée de le faire pour entrer dans la piraterie. Alors que devenir soldat, quel intérêt? Pour se faire tuer par les Espagnols ou pour finir pauvre? Pourquoi n'es-tu pas restée, Mary Carlton? Contrairement à toi, Bonnie, je n'ai pas choisi de devenir un homme. On m'a forcée, quand j'étais petite. Mary? Mary, lève-toi. On va au cimetière. Ton frère est mort pendant la nuit. Personne ne doit savoir qu'il est mort, tu m'entends? Ton père est parti en mer, et la seule qui nous aide, c'est ta grand-mère, mais elle ne me donnera plus d'argent si elle sait que Billy est mort. Et on finira en prison. Et alors on crèvera toutes les deux comme des rats. Tu veux finir en prison, Mary? Non. Je veux pas aller en prison. Alors dorénavant, Billy, c'est toi. Et c'est Mary qui est morte, tu m'entends? Oui. C'est bien. Allez, viens. On va l'enterrer, on dira une prière, tu veux? Oui. Mary était âgée d'à peine 6 ans lorsqu'elle est devenue Willy, à la mort de son grand frère. Sa mère, Margaret Carlton, vivait dans le East End, un quartier pauvre de Londres. Pour continuer à toucher la pension de sa belle-mère, Margaret habille la petite Mary avec les vêtements de Willie et lui apprend à se comporter comme un garçon. En effet, la grand-mère lui aurait coupé les vivres si elle avait appris que son petit-fils était mort. Car Mary n'est pas la fille de son fils, mais le fruit d'une des nombreuses liaisons de Margaret. Adolescente, Mary bande sa poitrine et protège son secret, vivant dans la crainte d'être découverte. Mais à la mort de la grand-mère, la famille s'est retrouvée à nouveau sans ressources. Mary décida alors de quitter sa mère et de s'enrôler dans l'armée. Ma mère m'a transformée en homme. Et je ne l'ai jamais regretté. Mais tu n'as jamais voulu te marier et avoir des enfants? Je suis veuve, en fait. Un camarade de l'armée. Flemming van der Helst, il s'appelait. On n'a pas eu d'enfants, mais ce furent 3 ans de bonheur. Puis il est mort de maladie. D'abord mon frère, puis mon mari. C'est à se demander si Mary ne porte pas malheur aux hommes. Willy a toujours été plus heureux que Mary, finalement. Tu seras heureuse parmi nous, je le sais. Tu seras un grand pirate, Willy Reed. Un grand pirate? Qu'est-ce que tu racontes? Tu crois tout savoir parce que tu portes un sabre à pommeau doré? Parce que t'as réussi à dompter Calico Jack? Parce que tu trucides tous ceux qui te croisent, sauf quand ils trouvent grâce à tes yeux? Tais-toi, Willy Reed! Je pourrais te tuer si je le décide. Tu ne sais rien de moi. Et nous avons plus de choses en commun que ce que tu crois. Moi aussi, je me suis enfuie de chez mon père. J'ai brûlé ses plantations. J'ai abandonné mes robes et mon héritage pour devenir pirate. Mais Bonnie, regarde-toi. Avec tes anneaux d'or et ta cabine de sultan indien, tu ne sais rien de la misère. Moi, j'ai toujours dû me battre. Où en es-tu arrivé? Moi, je te laisse la tourte. Tu m'as coupé l'appétit. Encore une fois, j'aurais mieux fait de me taire. Et si elle allait me trahir? Me livrer aux brutes de son équipage? Je suis à sa merci et elle le sait. En réalité, Anne comprend la colère de Mary. Comme elle, elle a dû couper les ponts avec sa famille et ses origines pour être libre. Mais à l'inverse, c'est dans un carcan riche et bourgeois qu'elle était retenue, la plantation de son père, qui avait quitté l'Irlande et la magistrature pour s'établir aux États-Unis, en Caroline du Sud. Habille-toi et monte sur le pont. Maintenant que tous les soldats du roi sont là, nous pouvons commencer. Très bien, mes cochons. Regardez-moi ces calices. Et ces crucifix, c'est de l'or massif. Vous croyez que le roi a besoin d'un tel trésor? C'est nous qu'on en a besoin. Bonnie va procéder au partage. Comme d'habitude, Bonnie et moi touchons chacun 2 parts. Et Butler et Mezio, qui sont canonniers et maîtres d'équipage, 1 part et demie. Et moi? Le chirurgien m'a dit qu'il va falloir m'amputer un doigt. Un doigt? C'est 150 pièces de 8 en plus. C'est quelle main? La gauche. Mais je suis gaucher. Allez, 200 pièces. Les blessés, vous verrez avec Bonnie pour la compensation. Bonnie, tu voulais dire quelque chose? Oui. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, voici le code des pirates. Signez-le et vous aurez votre part du butin. 1 croix suffira. Oh, allons, ils sont nos frères dorénavant. Et il y a assez dans ce coffre pour acheter les Bahamas. Mais assez pour prendre notre retraite. Et pour faire quoi? Pour aller chasser le cochon sauvage sur l'île de la Tortue? Non. Ce que nous recherchons, ce n'est pas la richesse, c'est la liberté. Ouais. Ce gagnant est à nous. Cette victoire, nous la méritons. Ouais. Le pavillon noir. Signer le code des pirates, aussi appelé chasse-partie, marque véritablement l'entrée en piraterie. Si le nouveau pirate vole un de ses camarades, on lui coupera le nez et les oreilles et on l'abandonnera sur une île déserte. Les pirates n'ont pas le droit au jeu d'argent à bord. Il est interdit de déserter un combat ou de parler de prendre sa retraite avant que la part de chacun ait atteint un minimum de 1000 livres. Ils doivent garder leurs sabres, leurs fusils et leurs pistolets toujours propres et en état de marche. Enfin, la présence de femmes est proscrite. Celui trouvé en train de séduire une femme et de la faire naviguer travestie en homme sera puni de mort. pour rencontrer des femmes, les pirates doivent se contenter du bordel quand ils arrivent au port. Matelot Reed, à ton tour, viens signer. Allez, signe. Bravo, Winnie. Ne sens-tu pas déjà les ailes de la liberté pousser dans ton dos? Allez, descends dans ma cabine. Tu vas trier les cartes et archiver les parchemins. C'est mon arrêt de mort que je viens de signer. Mais je n'avais pas le choix. Il ne me reste plus qu'à gagner leur confiance. Et je m'enfuirai avec assez d'or pour repartir à zéro. Mon Dieu, je pense déjà comme eux. Mais tout cet argent, c'est plus que ce que je gagnerais en une vie au service de la couronne. Que se passera-t-il si nous attaquons un navire anglais? Je ne pourrai jamais croiser le fer contre eux. Bonnie, j'ai fini l'archivage, je vais me coucher. Déjà? Fais voir. Tu fais du bon travail. C'est rare les matelots qui savent lire et écrire. Sans doute. Bonne nuit. Mais ne pars pas comme ça, tu es encore blessé. L'humidité de la cale peut infecter ta plaie. Tu ferais mieux de dormir ici. Dormir ici? Je peux pas. Un traitement de faveur provoquerait la jalousie et les soupçons. Alors attends que tout le monde ronfle et viens me rejoindre. Et Rackham? Oh, Rackham. Ce sera sûrement le plus saoul de tous. Puis je sais m'occuper de lui. Il ronflera si fort que tu l'entendras de la cale. Je ferais mieux de rester dans cette cale pourrie et pas me faire remarquer. Mais Bonnie a quelque chose de spécial. Son audace. Elle ne doit pas avoir plus de 20 ans et tout le monde la respecte. Même Rackham est à sa botte. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu de femme. Allez, ma curiosité me perdra. Les yeux verts de la jeune pirate ont eu raison des hésitations de Mary. Enjambant les tonneaux renversés et quelques pirates décuvant à la belle étoile, elle se dirige à pas de loup vers la cabine et frappe trois coups légers. La porte s'ouvre sur Anne. Elle a troqué ses pantalons bouffants pour un déshabillé de soie, nonchalamment ouvert sur sa poitrine nue. Je savais que tu reviendrais. Laisse-moi refaire ton pansement. Ça doit faire un mal de chien. J'ai connu pire, j'en doute pas. L'armée, ça ne devait pas être la fête tous les jours. La piraterie non plus. C'est vrai. Nous aurions bien besoin de repos. D'autant que le gouverneur Rogers est à nos trousses. Il a juré de pendre tous les pirates jusqu'au dernier. Ceux qui refuseraient le pardon royal. Pourquoi ne vous rendez-vous pas? Vous préférez la potence? Je suis pas de ceux qui abandonnent, qui acceptent une vie médiocre où tous les jours se ressemblent. Très peu pour moi. Mais je ne tiens pas non plus à être pendu. Demain, je proposerai à Rackham de faire la route vers Cuba. C'est son pays. Il connaît les criques de l'île comme sa poche. Il sera plus en sécurité. Et comment vous vous êtes rencontrés avec Rackham? Rackham et moi, c'est une drôle d'histoire. J'étais mariée à l'époque. Un dénommé James Bonnie. Un mariage ennuyeux, sans avenir. Bonnie était lâche. Il m'avait acheté comme du bétail pour récupérer ma dot. Il ignorait que mon père m'avait déshérité. Alors quand je rencontrais Rackham, je le connaissais de réputation comme tout le monde, mais le voir en vrai, disons qu'il était exactement ce que j'attendais de la liberté. Il a accepté de te prendre avec lui. Il savait que tu étais une femme? C'est à terre que j'ai rencontré. Ce type immense, brun, avec son regard acéré et ses anneaux d'argent. J'étais fascinée. Je l'ai suivi un soir jusqu'à l'endroit où il a enterré son trésor. Malheureusement, il m'a vu en train d'espionner. Ça a dû le rendre fou. Oui, il a essayé de me tuer. Mais j'ai réussi à le faire changer d'avis. Et je suis devenue sa femme. Et depuis ce jour, il est fou amoureux de moi. Il a même essayé de me racheter à mon mari. Cette canaille de Bonnie a refusé, alors. Alors on a volé ce bateau dans le port de New Providence. Et on s'est enfui. Et aujourd'hui, il te fascine toujours autant? Aujourd'hui, c'est toi qui me fascines, Mary Carlton. Je croyais qu'on ne s'appelait que par nos noms de garçon. Mais qu'est-ce que tu fais? Chut. Laisse-toi faire. Une liaison aussi passionnée que secrète débute entre Anne et Mary, alias Bonnie et Willie. Mary redouble de vigilance et d'astuces pour échapper au regard des matelots, afin de rejoindre sa bien-aimée chaque soir à la nuit tombée. L'été passe ainsi, l'équipage s'occupant à dilapider ses richesses nouvellement acquises dans les Cayos, ces îles blanches aux eaux turquoises situées entre Cuba et la Jamaïque. Mais cet amour interdit n'est pas sans risque, et dans un lieu aussi exigu qu'un bateau, un témoin est vite arrivé. On dira ce qu'on voudra, le rhum est la meilleure invention de tous les temps. Capitaine ! Capitaine, je dois vous parler. Qu'est-ce qui se passe ? Tu t'es encore fait mordre par un rat ? Non, capitaine. Enfin, si. Mais là, c'est pour autre chose. J'ai vu quelqu'un entrer dans la cabine de Bonnie. Le petit nouveau, Willie. Willie, il aide Bonnie à lire les cartes. Si tu savais lire, toi aussi, tu y serais abruti. Oui, capitaine, mais là, il faisait autre chose que lire des cartes. Il se léchait le visage. Hein ? Qu'est-ce que tu racontes ? Hé, hey, dis-moi, tu veux goûter au supplice de la planche pour colporter des commérages ? Mais, ma capitaine, allez voir ! Rackham abandonne son rhum et se dirige vers la cabine d'Anne Bonnie. Il ouvre sans frapper et tombe sur Anne et Mary en train de s'embrasser, nus dans le même lit. Anne, lève-toi ! Viens là que je te fouette, traîtresse ! Jack ! Jack, calme-toi! Et toi, Willie? Attends, Jack. Il faut que je t'avoue quelque chose. Mais tu es... Tu es une femme? J'aurais dû te tuer dès que je t'ai rencontré. Je savais que tu n'étais qu'un sale traître. Rackham, attends. Je suis une femme, c'est vrai. Je vous ai menti. Je suis désolée. Tu vas l'être, désolée. Quand tes intestins saliront mes tapis. Arrête! Ne la tue pas! Elle descendra au prochain port. Mais épargne-la. C'est ma faute. C'est moi qui l'ai séduite. Quant à toi, Anne, tu ne perds rien pour attendre. Mais un plus grand danger les menace. Assez pour remettre les idées de vengeance de Rackham à plus tard. Woodus Rogers, le nouveau gouverneur des Bahamas, veut à tout prix éradiquer la piraterie des Caraïbes. Il poursuit sans relâche ceux qui refusent les pardons royaux en échange d'une vie honnête, et Rackham, Anne et Mary sont sa prochaine cible. Il envoie le Royal Queen leur donner la chasse. C'est un navire petit mais rapide, pourvu de canons et très maniable. Woodus Rogers a placé un de ses fidèles à sa tête, le capitaine Hudson. Celui-ci a déjà croisé Rackham dans une taverne, et surtout Anne Bonnie, qu'il avait tenté de séduire sans succès. Cette mission est donc cruciale pour Hudson. Il veut capturer Rackham pour se couvrir d'honneur, et Anne Bonnie pour assouvir ses désirs de vengeance personnelle. Cette nuit-là, le 12 septembre 1720, la chaleur est étouffante. Anne Bonnie, qui n'arrive pas à dormir, sort et monte en haut du mât, scrutant l'horizon. Soudain, une voile blanche se découpe à l'horizon. Debout, bande d'ivrognes ! Dépêchez-vous ! Qu'est-ce qui se passe ? Je dormais bien, moi ! Regardez, au large ! Je le reconnais ! C'est le Royal Queen ! Il est à nos trousses ! Le Royal Queen ? Mais on n'a aucune chance ! Faut partir ! Le premier qui déserte n'aura pas le temps de toucher l'eau qu'il sera déjà mort ! Capitaine, on ne pourra jamais couler un bateau comme ça ! Pour une fois, tu as raison, Largo. En combat frontal, nous n'avons aucune chance. Qu'est-ce que tu suggères, Bonnie ? Que l'un de nous monte sur ce bateau à l'insu de l'équipage et sabote les canons. Désarmé, il ne pourra plus rien faire contre nous. Écoutez, l'un de nous doit s'infiltrer sur le Royal Queen. Leur faire croire que nous nous rendons sans combattre. C'est notre seule chance. C'est trop dangereux. Moi, j'irai. Je sais comment saboter des canons. Mais oui. Comment tu feras pour que personne te voie ? Je m'habillerai en femme. Et j'endormirai leur méfiance. Je dirai que je me rends. Je peux leur donner des informations précieuses sur notre armement et notre équipage. Ensuite, pendant qu'ils dormiront, je saboterai les canons. Si Calico Jack est d'accord, je me porte volontaire. Qui vote pour ? Ouais ! Moi ! Moi ! Eh bien, vas-y, soldat Reed. Si tu nous trahis, je te casserai tous les os un par un. Compris ? Le sort en est jeté. Mary Read va jouer le rôle d'appât et se jeter dans les griffes de Hudson pour une mission quasi-suicide. Anne Bonny prépare la jeune femme. Tout en l'habillant et la poudrant, elle lui explique quel genre d'homme est Hudson afin qu'elle lui plaise. Mais Bonny redoute ce qui pourrait arriver à Mary. Quelques heures plus tard, alors que la voile du Royal Queen est maintenant très proche, les deux femmes descendent dans la chaloupe qui doit emmener Mary jusqu'au navire ennemi. Au moins, on peut se dire adieu seul à seul. Arrête de dire ça. Ce n'est pas un adieu. Tiens, fais ça. C'est de l'opium. Verse-en dans le vin de Hudson. Ça le rendra somnolent. Au mieux, il s'endormira. Il ne pourra pas te faire de mal. Et si je n'en ai pas l'occasion? Tu y arriveras. J'ai confiance en toi. Oran, j'ai honte, mais je tremble. Je crois que j'ai peur. Je sais. Tu n'as jamais connu d'autre homme que ton mari. Et ce type est une ordure. Il n'hésitera pas. S'il peut te violer, il le fera. C'est pour ça que je vais y aller à ta place. Quoi? Mais non! Tu ne peux pas. C'est moi qui me suis portée volontaire. Je m'en sortirai mieux que toi. Je connais Hudson. Je sais qu'il me désire. Il me reconnaîtra tout de suite en me voyant et ce sera plus simple pour moi de me retrouver seule avec lui. Bonny, je t'aime. Je peux pas te laisser faire ça. Si tu veux qu'on se revoie un jour, laisse-moi y aller. Remonte à bord. Sois prudente. Ça y est, elle a disparu. Je l'ai abandonnée. J'ai abandonné Anne à son sort et à ce port de Hudson. Comment pourrais-je vivre avec ça? Je sais même pas si je la reverrai un jour. Et que vais-je dire à Rackham? Tu l'as laissé y aller à ta place? C'était son choix. Je n'ai rien pu faire. Bien sûr que si. Tu pouvais l'empêcher par la force. Lui faire entendre raison ou l'assommer. Tu avais 1000 possibilités, mais ta lâcheté a encore parlé pour toi. Tu l'as manipulé pour t'en sortir. Rackham, tu peux dire ce que tu veux sur moi. Même dire que je suis lâche. Mais tu sais très bien que j'aime Bonny. Tu es naïve. Tu ne la connais pas. Anne est complètement dingue. Mais elle est rusée. Quand elle arrive à te prendre dans ses filets, tu peux jamais t'en dépêtrer. Tu penses qu'elle va réussir? Qu'elle attrapera Hudson dans ses filets? Elle a déjà triomphé de missions plus difficiles. Elle s'en sort toujours. Mais si cette fois, elle ne revient pas... Oui, je sais. Tu me brises les os. Non! Si elle échoue, on finira tous pendus. L'attente commence. Une longue et interminable attente. Pendant que l'équipage lave et astique sabres et pistolets, Mary et Rackham font les 100 pas sur le pont, dans le noir, se relayant pour tenter d'apercevoir la forme d'une barque sur l'eau. Mais toujours rien. Le désespoir commence à les envahir alors que les premiers rayons de soleil font leur apparition. Et soudain... Or, vous ronflez pendant que je trim? Je le savais. Capitaine, une femme. Une femme à bord. Tais-toi, Largo. Tu vois bien que c'est Bonny qui s'est déguisée pour tromper l'ennemi. Oui, capitaine. Elle est bien gaulée. Que s'est-il passé? Tout s'est déroulé comme prévu. En arrivant contre la coque, j'ai agité le drapeau blanc et crié que je me rendais. Hudson m'a fait monter puis m'a fait pénétrer dans sa cabine. Évidemment, il a cru pouvoir profiter de moi, mais je l'ai assommé. J'ai attendu que le navire s'endorme, et j'ai mouillé les mèches des canons. Ils ne vont pas tarder à se rendre compte que je me suis enfui. Il faut attaquer, maintenant! Allez, je réveille tout le monde. Debout! Préparez les canons! Voyez-vous! Comment as-tu réussi à l'assommer? Tu as pu le faire boire? Et verser l'opium dans son vin? Non, j'ai oublié l'opium dans la chaloupe. Mais ne t'inquiète pas, je laisse me changer, j'ai hâte de redevenir un homme. Le Revenge fonce sur le Royal Queen. Les pirates n'ont même pas besoin de livrer bataille. L'équipage du capitaine Hudson, piégé, sans canon pour riposter, hisse le pavillon blanc. Les pirates, Rackham en tête, débarquent sur le Royal Queen, pillant le navire et terrorisant les matelots. Alignez-moi ces fils de pute. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Mais ce serait pas le capitaine Hudson? L'homme qui a juré ma mort. Allez, tue-moi qu'on en finisse, Jack. Nous, les Anglais, nous avons l'honneur qui coule dans nos veines. Vraiment? C'est étonnant, parce que je comptais justement épargner tes hommes. Alors, les gars, vous préférez la mort comme votre capitaine? Ah, sûr. Tu vois, Hudson. Sans tes canons, tu n'es rien d'autre qu'un petit homme. Solitaire et impuissant. Et alors, que vas-tu faire, hein? Me prendre en otage? Me marchander auprès du gouverneur? Tu sais que je te retrouverai un jour ou l'autre, Rackham. Que je n'aurai pas de repos avant de te voir te balancer au bout d'une corde. C'est qui cause? Serais-tu aussi bavard si on te coupait la langue? Fais ce que tu veux. Au moins, j'ai pu goûter à la marchandise du Revenge. N'est-ce pas, Bonnie? Oh! Oui! Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as tué! C'est un otage de grande valeur. Les Anglais ne comprennent que la loi du sang. J'en sais quelque chose. Hudson devait mourir. Anne n'a rien dit. Mais j'ai compris ce qui s'est passé. Je ne supporte pas de savoir qu'il l'a touché. Imaginez Anne dans son lit mort, folle. Ces tortures ne méritaient pas de vivre qu'il brûle en enfer. 13 septembre 1720. La nouvelle de cette victoire inespérée et ingénieuse se répand dans les Caraïbes comme une traînée de poudre. Le grand Hudson et son invincible Royal Queen ont été battus, sans le moindre coup de canon, par Rackham. Rackham est intouchable. Le gouverneur, ne pouvant supporter pareille humiliation, décide d'envoyer toute sa flotte à sa poursuite. Sur le Revenge, on célèbre la victoire, portant Bonnie, Willy et Rackham en triomphe. Les jours passent et le rhum coule à flot. Rackham, ivre du matin au soir, n'écoute pas Anne, qui souhaite rallier rapidement Cienfuegos, une crique au sud de Cuba. Mais lorsqu'il se décide enfin à lever l'ancre, il est trop tard. Le 21 octobre 1720 à l'aube, l'équipage se réveille, encerclé. Anne et Mary combattent pendant près d'une heure, quasiment seules contre les troupes royales. Mais l'équipage du Revenge est finalement vaincu et capturé. Les pirates sont emmenés à Kingston, capitale de la Jamaïque, pour leur procès. Anne est fille de procureur. Elle connaît le droit anglais et compte bien jouer le tout pour le tout. Le procès s'ouvre à Kingston le 16 novembre 1720. Au suivant, silence dans la salle. Alberto Largo, c'est votre nom? Vous êtes reconnu coupable de piraterie. Vous êtes condamné à mort, par pendaison. Mais après, je pourrais partir, hein? Rackham, alias Calico Jack. Vous êtes reconnu coupable de piraterie. Vous êtes condamné à mort, par pendaison. Anne Bonnie, alias Adam Bonnie. Levez-vous. Mary Carlton, alias Willie Reed. Levez-vous. Vous vous êtes toutes les deux travesties en hommes afin de commettre des actes de piraterie. Vous êtes condamnées à mort, par pendaison. Attendez! Vous ne pouvez pas m'exécuter. Je suis enceinte. Le droit anglais interdit l'exécution des femmes enceintes. Mais de qui êtes-vous enceinte? De Jack Rackham, ici présent. Elle ment! C'est pas une femme! Silence! Et Mary Reed aussi est enceinte. De Jack Rackham également. Silence! Ramenez-les dans leur cachot. Emmenez les autres à la potence. Anne, tout est de ma faute. Pourras-tu me pardonner? Jack, si tu t'étais battu comme un homme, tu n'aurais pas à mourir comme un chien. Le mensonge d'Anne fonctionne. Quelques semaines plus tard, Mary Reed et Anne Bonnie sont graciées par le gouverneur. Leur féminité, qui les avait si souvent desservies, a permis cette fois de leur sauver la vie. Mais le destin et la fièvre jaune rattrapent Mary, qui tombe malade et meurt quelques jours après dans les bras d'Anne Bonnie. Celle-ci dépose son corps sur l'épave du Revenge. Elle enflamme sa dépouille et regarde brûler le bateau. Brûle, Mary Carlton. Brûle avec notre bateau et avec mes souvenirs. Ton corps est mort. Mais ta légende te survivra. Toi qui jurais de rester fidèle à ton roi, tu verras, un jour, on se rappellera de toi comme l'une des plus grandes pirates des Caraïbes. « Mary Read, Pirates des Caraïbes de Guillaume Cochard et Sarah Farkas, avec Mary Read, Pauline Bell, Anne Bonny, Alizée Soudet, Jacques Rackham, Clément Bresson, Largo, Alexis Wronghild, Margaret James, Pauline Moulin, Hudson, Christophe Bro, le juge, Jacques Poitérier et Bastien Bouillon, Jeff Esperanza et Stéphane Sestac. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Manu Couturier et Emmanuel Armin, assistante à la réalisation Yaël Mandelbaum, réalisation Cédric Ossir. Dans quelques minutes, je reviens sur l'histoire de Mary Read et sur les pirates avec mon invité Marie-Ève Stenhuy. Autant en emporte l'histoire sur France Inter. Si moi aimer depuis nani nana, toujours et tout dans la caille. Quelquefois à mon corps défendant, j'ai au moins pas ni réponse pour toi. Oh non non, maman, les mots qu'à songer on peut pas attendre. Maman. Encore en moins qu'à mon desserré. Les mon carwell, c'est au moins qu'attendre. Maman, tout coûte ça. Il monte qu'à moi, meeting, one of you, mon yéma. Il sort de mon lèvre, ma tille, one of you, mon mama. Dit qu'à la voix, il l'autre, one of you, mon yéma. Les mots qu'à songer, on peut pas attendre. Maman, tout corps en moins qu'à m'en desserrer. Les mots qu'à wear, c'est au moins qu'attendre. Mama du groupe Toto, Bona, Loquois sur France Inter dans Autant n'importe l'histoire. Réalisation Juliette Gou, assistée de Sophie Hoffman. Programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Alice Berger. Marie-Ève Stenhuy, alors je viens donc de raconter l'histoire de Mary Read, femme soldat, matelot, engagée clandestinement dans la marine et puis dans la piraterie. Alors ce sont des aventurières de l'ombre, comme vous le dites avec Anne Bonny, comme vous le dites dans votre livre. Alors qu'est-ce qui est vrai dans cette histoire? Qu'est-ce qu'on sait exactement? Comment cette histoire nous est arrivée aussi? Parce que forcément, si on connaît un peu l'histoire de Mary Read et d'Anne Bonny et de Rackham, c'est qu'il y a eu des textes. Oui, alors il y a en fait deux sources principales, dont une seule est peut vraiment être considérée comme un document historique fiable et indiscutable, qui est la relation du procès. Oui. Mais le problème, c'est que ce procès ne concerne que quelques mois d'activité de Rackham et de sa bande, tout simplement parce que tout ce qui précède est couvert par l'amnistie. Donc, le procès ne dit rien du passé de Rackham, ne dit rien du passé d'Anne Bonny et de Mary Read. Alors, la deuxième source est le livre du soi-disant capitaine Charles Johnson, un auteur dont on ne sait pas grand-chose. On a pensé pendant longtemps que c'était un pseudonyme pour Daniel Defoe, donc l'auteur de Robinson Crusoe. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce livre est paru en 1724, c'est-à-dire 4 ans seulement après l'exécution de Rackham et le procès de Mary Read et Anne Bonny. Et l'auteur prétend avoir enquêté sur place, avoir recueilli des témoignages. Mais alors, est-ce qu'elles ont été, donc elles ont échappé véritablement à la peine de mort parce qu'elles étaient enceintes, c'est vrai? Oui, alors elles étaient effectivement enceintes. Il est très peu probable qu'elles aient eu une relation homosexuelle, comme on le dit dans la fiction, mais le plaisir de la fiction, c'est qu'on peut dire tout ce qu'on veut. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'une fiction utilise ce thème-là. Bon, elles ont toutes les deux été mariées, Anne Bonny avant de rencontrer Rackham, Mary quand elle était dans l'armée en Hollande, et elles étaient effectivement enceintes, c'était pas du tout une ruse de la part de Anne. Anne Bonny était enceinte de Rackham, et cela pour la deuxième fois. Elle avait déjà eu un enfant avec Rackham, qu'elle l'avait abandonné à Cuba. Et Mary Read était de nouveau tombée amoureuse et elle était enceinte d'un membre de l'équipage dont elle n'a jamais voulu révéler le nom au cours du procès, en réalité pour le protéger, hein, en disant que c'était une de ces personnes qui était à bord et qui avait été recrutée plus ou moins de force devant choisir entre la mort et la piraterie. Elles ont obtenu non pas la grâce, mais un report de leur exécution, puisqu'effectivement, la loi anglaise ne permet pas d'exécuter une femme enceinte, parce que ça reviendrait à tuer un innocent. Alors, est-ce que Mary Read et Anne Bonny ont été exécutées après qu'elles aient accouché? Leur sort est assez mystérieux, en tout cas en ce qui concerne Anne Bonny. Il est probable qu'elle a été libérée grâce aux interventions de son père, qui était quelqu'un de très puissant en Caroline du Sud. Et en 1724, Johnson ne retrouve déjà plus la trace d'Anne Bonny, mais elle ne figure pas parmi les personnes qui ont été exécutées en prison. Quant à Mary Read, elle, on sait ce qu'elle est devenue, elle est malheureusement morte dans la prison avant d'avoir donné naissance à son enfant, et elle a été enterrée à la Jamaïque. Au-delà de cette histoire, comment expliquer que des femmes comme ça se soient engagées dans la piraterie? C'est quand même assez extraordinaire. Qu'est-ce qui les a motivées? La solitude, la faim, la soif de l'aventure, un goût pour le gain ou pour la bagarre aussi, on peut imaginer tout. Les motivations d'Anne et de Mary sont très différentes. Mary, c'est clairement une façon d'échapper à la misère et de se donner une perspective de vie. Quand on est une femme misérable en Angleterre, on n'a quand même pas beaucoup d'avenir. Donc c'était plus simple, effectivement, de rester habillée en homme. Tandis que Anne Bonny, c'est clairement un goût de l'aventure. Ces deux femmes ont des personnalités extrêmement différentes. Anne est quelqu'un d'extrêmement pétulant, avec un caractère de cochon. On raconte des tas de choses horribles. Ah bon, lesquelles? Sur son enfance, bon, elle aurait essayé de poignarder une de ses servantes. Elle aurait mordu un prétendant qui la serrait un petit peu de près quand elle était adolescente. Et on lui reproche surtout le fait que le pauvre homme a eu une infection qui a failli lui coûter la vie. Ah oui, donc c'était déjà une femme féroce. Oui, oui. Anne est quelqu'un de très, très difficile. Mary, c'est tout différent. Et elle a eu beaucoup moins de chance dans la vie aussi. Elles sont issues de deux milieux complètement différents. Dans la piraterie aussi, peut-être que ces femmes ont trouvé quelque chose. Enfin, c'est ce qui est évoqué dans la fiction. C'est cet esprit un peu d'égalité, une certaine forme de solidarité. Et puis aussi le fait sans doute de vivre un peu en marge, de pouvoir vivre d'une manière un peu différente, non conforme à ce qu'on attend généralement d'une femme. Voilà, mariée, avoir des enfants, tenir un foyer. Il y a quand même une forme de liberté, d'égalité, voire qui existe chez les pirates. Certainement. La société pirate est une véritable société parallèle, avec ses propres règles, presque l'équivalent de loi sociale, on l'entend dans la fiction, ça c'est la réalité, où on partage le butin, on a des compensations en cas de blessure, un peu plus si c'est la main droite et qu'on est droitier, tout ça est réel. Et bon, en comparaison de la société civile du moment, c'est effectivement très d'avant-garde, et donc c'est très, très séduisant. Alors, la place de la femme dans le milieu pirate, ça dépend un peu de la personnalité du chef. Il y a eu des pirates extrêmement cruels, sanguinaires, qui n'hésitaient pas à violer les femmes. D'autres inscrivaient dans leur chasse-partie qu'au contraire, il ne fallait pas s'adonner à ce genre d'activité à bord. Mais il y a un point quand même troublant dans cette histoire, Marie-Ève Stenhuy. Comment est-ce que ces femmes ont pu cacher leur véritable identité? On a du mal à imaginer que sur un bateau, le lieu par excellence de la promiscuité, une femme puisse passer incognito, tout le monde dort dans la même cale, il n'y a pas de salle de bain, pas de toilette. Enfin, est-ce que c'est crédible qu'elles se cachaient comme ça? C'est tout à fait crédible et il y a d'autres exemples. Mais il y a une différence à nouveau entre Anne et Mary, c'est que Anne était à bord en tant que femme. Tout l'équipage de Rackham savait très bien qu'elle était une femme et qu'elle était la maîtresse de Rackham. Tandis que Mary ne pouvait pas se permettre, en tout cas au début, elle a continué à cacher sa véritable nature. Et il n'y a que trois personnes à bord qui étaient au courant. Anne Bonny, qui l'a percé à jour. Rackham, a bien été obligé de lui dire qui elle était, parce qu'il commençait à être jaloux de l'amitié qui se liait entre Anne et Mary. Et puis, le jeune homme sur qui Mary a jeté son dévolu et dont elle a attendu un enfant. Alors, est-ce que c'est vrai, à votre avis, que ces femmes pirates dégrafaient leur corsage au moment où elles allaient, pendant la bagarre, achever leur ennemi à l'épée et montrer leur sein? C'est une invention littéraire de Charles Johnson pour mettre un peu de piment dans son histoire générale de la piraterie et pour mieux vendre son livre. Et ça a très très bien marché. Ce livre a été un véritable best-seller et il a été traduit dans toutes les langues à l'époque. Alors dans votre livre Marie-Ève Stenhuy, donc ce livre consacré aux femmes pirates, on voit qu'il y en a eu donc pas seulement dans les Caraïbes et pas seulement à l'âge d'or de la piraterie dont on parle. Il y en a eu partout, il y a toutes les époques. Oui, et par exemple, il y a eu des femmes pirates chez les Vikings. Et les Vikings n'avaient aucun problème à accepter des femmes à bord. Donc les femmes, là, n'avaient pas besoin de se déguiser en homme, si ce n'est pour des raisons pratiques, évidemment. De même que Anne Bonny, aux escales, portait des robes, mais bien entendu, pour la navigation, pour les combats, elle s'habillait en homme. C'est quand même plus facile que d'être empêtrée dans les jupons. Alors, il y a eu beaucoup, un certain nombre de femmes pirates également en Asie, en Chine. Et là, culturellement, il n'y a pas de problème non plus à avoir des femmes à bord. Les pirates chinois vivent en famille sur leur bateau. Ah oui, donc les femmes sont amarinées. Papa, maman et les enfants. Donc on ne s'inquiète pas de voir une femme sur le bateau. Il y a une femme très célèbre qui est Madame Ching, qui a été à la tête d'une véritable confédération de pirates. Elle a hérité son poste après la mort de son mari, qui lui-même l'avait hérité après la mort de son frère. Donc, il y avait une passation tout à fait naturelle et le fait de passer le pouvoir à une femme ne posait pas de problème non plus. Merci beaucoup Marie-Ève Stenhuy de nous avoir rappelé donc l'histoire de ces femmes pirates. Votre livre « Femmes pirates, les écumeuses des mers » est publié aux éditions du Trésor. Et chez le même éditeur, vous avez également publié plus récemment « Une femme à la mer, aventure de femmes naufragées ». Autant n'emporte l'histoire, c'est terminé pour ce soir. Cette émission, vous pouvez la réécouter ou la podcaster sur le site franceinter.fr ou avec impatience, j'attends vos commentaires. Vous pouvez le faire aussi sur la page Facebook de l'émission. La semaine prochaine, nous quittons les mers chaudes des Caraïbes et les mauvaises manières des pirates pour nous introduire à la fin du XVIIIe siècle dans le salon de Germaine de Staël, écrivain et femme d'influence, qui, parce qu'elle défendait l'idéal de liberté, eut l'audace de tenir tête à Napoléon Bonaparte. Elle tint salon, eut de multiples amants et passa la moitié de sa vie en exil ou sur les routes, pourchassée par l'empereur qui déclarait « J'ai quatre ennemis, la Prusse, la Russie, l'Angleterre et Madame de Staël ». Germaine de Staël et Napoléon Bonaparte, l'impossible conquête, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire. Mais dans quelques minutes, juste après le flash, vous avez rendez-vous bien sûr avec Soro Solo pour l'Afrique en solo. Excellente soirée.